Écoutez les crépitants de mi-inspiration. Il prédomine au milieu de l'inspiration et respecte le début et la fin de l'inspiration. Ils traduisent l'existence de sécrétions bronchiques, d'où leur caractère variable d'un cycle à l'autre et leur association fréquente à quelques crépitants expiratoires. Écoutez encore les crépitants de mi-inspiration.